De cantine en école, elle m'a traîné. De fièvres en rougeole, elle m'a veillé. C'est sur les plages douces de son corps que je suis né, sans trop d'efforts. Et dès les premiers mots, elle m'a donné ma langue maternelle, avec un peu d'accent tombé du ciel. Puis les ans sont passés à notre insu, quand je la vois trotte menu. Une voix me dit, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les yeux et le cœur lilas, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les cheveux en hiver déjà. Bien sûr, je suis parti vers les 15 ans. Je la revois d'ici, pauvre maman. Quand je suis revenu, elle n'a rien dit. Elle avait juste un peu vieilli. Et j'ai compris, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les yeux et le cœur lilas, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les cheveux en hiver déjà. Et quand je vais la voir chaque semaine, qu'elle lit dans mon regard ma vie, mes peines, elle se fait d'un dîner une tendre fête. Mais en pensant, demain peut-être, je partirai, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les yeux et le cœur lilas, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a les cheveux en hiver déjà, embrasse-la, chante-la, protège-la. Elle a